les plaisirs simples. Et si tous mes démons de la raison en rient, marcher dans Paris, Doménil-Île de Bastille, flatter tes papilles, café framboise, regard sur mer d'Iroise. Me voilà la pluie, à sa faveur provoque d'innocentes équivoques. Se trouver serré sous un même toit de vent, battant au vent, d'inavouables envies. Et par tous les diables coupables je prie, marcher dans Paris, chocolat et janvier chaud, couper ton souffle au chemin de serre, porter à tes lèvres. Mais voilà la nuit, où sa faveur se moque d'insouciantes équivoques. Se trouver erré dans les mêmes choix, un temps emportant autant d'impossible vie. Mais n'est pas conquis qui croyait conquérir. Marcher sur Paris, merci.